Chanter, on va aussi danser. 1, 2, 3, 4. Et alors nous danserons, et dans la joie nous exulterons, quand dans ton cœur au plus profond tu auras pris ta décision, enfin sûr de ta vocation.